Nord en 77. Encore la panette. On dirige, je me suis pris une disquette. Toujours en vadrouille, j'habite encore à tel où je m'embrouille à cause de mes carambouilles. Et je pense mes plaies à l'hosto. J'encaisse, je suis plutôt costaud. Je bosse dur, centième, avec ceux qui veulent niquer le gauche. Je peux pas me contenter de cette vie de larbin. Ce qu'on nous propose, c'est trop de jeunes. Je peux pas faire le canard, j'ai trop le bien. Passer pour qui tu veux, faire commettre des erreurs, montrer du doigt, leur dire les gars, je vous avais dit qu'il était comme ça. Tu peux te faire tout un tas de films. Sur ma tête de mes techs, pas net. Je suis toujours pas prêt de changer de planète. Je suis toujours disposé à te la mettre. Même si j'ai l'air d'une caisse criblée de balles, je suis toujours à fond calme, dégage le passage, trou de balle. C'est pas un secret, j'ai les mains sales, toujours autant la dalle, dégage le passage, trou de balle. Même si j'ai l'air d'une caisse criblée de balles, je suis toujours à fond calme, dégage le passage, trou de balle. C'est pas un secret, j'ai les mains sales, toujours autant la dalle, dégage le passage. Dégage le passage. Je me suis dû perdre pendant des années en touchant à la cam. J'ai fait une erreur monumentale. Je m'en sors tout doucement pour les blessures de l'âme. Y'a pas de médicaments, y'a pas de pansement. Je dis ça franchement, j'ai eu tort. J'ai le mort et l'intention de vivre sainement. Je reste pas les bras, je pense à tous ceux qui souffrent. Parce qu'ils ont pris une peine de ouf. J'ai tant de mépris pour les juges, les procureurs. Ils nous envoient en son prix, même quand ils n'ont rien compris. Tant d'années gâchées. La vérité, j'ai mal, dégage le passage, je suis à fond de calme. Même si j'ai l'air d'une caisse criblée de balles, je suis toujours à fond de calme, dégage le passage, trou de balle. C'est pas un secret, j'ai les mains sales, toujours autant la dalle, dégage le passage, trou de balle. Même si j'ai l'air d'une caisse criblée de balles, je suis toujours à fond de calme, dégage le passage, trou de balle. C'est pas un secret, j'ai les mains sales, toujours autant la dalle, dégage le passage, dégage le passage.